Chapitre 9. La tradition. Ophélie était si pressée d'annoncer la bonne nouvelle à Ambroise qu'elle dérapa sur le perron du service administratif. La marée des nuages s'était transformée en averse et les marches d'escalier en cascade. L'odeur de la végétation déjà puissante au soleil était devenue étourdissante sous la pluie. « Où vas-tu, apprenti ?» Elle leva ses lunettes barbouillées d'eau vers la silhouette qui se dressait en haut des marches du perron sous la verrière de l'auvent. C'était l'étudiante qui l'avait accompagnée jusqu'au bureau d'Hélène. Les basques de sa redingote étaient agitées par les bourrasques comme des étendards brodés d'argent. Elle signala du doigt la galerie à arcades qui jouxtait l'édifice administratif. « Nous allons par là. Toutes les dépendances du conservatoire sont reliées par des promenoirs. Nous y serons à l'abri. » « C'est que je dois retourner en ville ?» dit Ophélie, dont la toge s'imbibait d'eau de seconde en seconde. « Je ne voudrais pas manquer le dernier tramoiseau. »« Tu viens avec moi. Tu vas être soumise à une première évaluation. C'est la tradition. » La pluie redoubla sur les pavés, étouffant la voix et la silhouette de l'étudiante. Ophélie dut se résoudre à remonter l'escalier à contre-courant des eaux. « Maintenant ? Mais je viens à peine d'être acceptée. Tu commences ta période de probation. » « Tu ne dois pas quitter l'enceinte du conservatoire au cours des 3 prochaines semaines, sauf permission exceptionnelle de Lady Hélène. Sans quoi, elle considérera que tu as renoncé et aucune seconde chance ne te sera accordée. Maintenant, si tu veux rentrer chez toi, » dit l'étudiante en tournant les talons, « personne ici ne te retiendra. » Ophélie la suivit le long de la galerie. Elle avait à peine eu le temps de se réjouir qu'elle se dégrisait déjà. Il lui faudrait rester 3 semaines entières sur cette petite arche. Ne pourrait-elle pas mener son enquête au secrétarium du mémorial avant cette échéance ? Et Ambroise, réalisa-t-elle soudain en essorant les pans trempés de sa toge, n'allait-il pas s'inquiéter de ne pas la voir revenir ? C'est assez carcéral comme traitement. L'étudiante se tourna à demi comme étonnée de la trouver derrière elle. Tu as signé un accord, apprenti. Lady Hélène t'offre un gîte, un couvert et un avenir. La tradition veut qu'en échange, tu t'en remettes à ses directives, sans poser de questions. » Ophélie songea qu'elle aurait dû lire plus attentivement cet accord avant de le signer. Elle essuya ses lunettes, puis observa le profil de l'étudiante qui affleurait de ses longs cheveux fauves. Teint livide, paupières mi-closes, sourcils figés, nez effacé, bouche sans relief. Son visage était comme sa voix, dénué d'expressivité. Cette impassibilité jurait avec le feu d'artifice de ses taches de rousseur. Elle était plutôt grande, très fine, et sa redingote cintrée soulignait son absence de forme. Le parfait contraire d'Ophélie. « Vous êtes apprenti, vous aussi ? Vous ne m'avez pas dit votre nom. »« fit l'étudiante en émergeant de sa rêverie. « Je m'appelle Elisabeth. À compter de ce jour, nous sommes des rivales, toi et moi. Autant dire des ennemis jurés. » Au cours du silence qui s'ensuivit, Ophélie eut tout le loisir d'entendre la pluie s'abattre sur les vitres des arcades. « Je plaisante, » finit par ajouter Elisabeth au bout de quelques pas. « Je suis aspirante virtuose, ce qui me place hiérarchiquement au-dessus des apprentis. Nous ne serons ni rivales ni ennemis. Je suis responsable de la 2e division des avant-coureurs. Si tu as des questions, c'est à moi que tu dois les adresser. Félicitations, au fait. » Elle parlait d'une voix lointaine, sans l'ombre d'un sourire, même l'accent mélodieux de Babel tombait à plat sous sa langue. « Et quel est votre pouvoir familial, Elisabeth, si ce n'est pas indiscret ?»« Je n'en ai pas. » Ophélie remua les sourcils. « On m'a dit que les sans-pouvoirs étaient très rares ici. Je suis actuellement leur unique représentante au conservatoire. Je n'ai eu que 2 prédécesseurs, Howard Harper et Lazarus. » « Lazarus ? Comme le Lazarus des automates ? J'ignorais qu'il avait été virtuose. » Ou plutôt, rectifia-t-elle en son fort intérieur, Ambroise avait omis de le lui dire. Ce qui soulevait une nouvelle question. Pourquoi avait-il essayé de la décourager d'intégrer la bonne famille si son propre père était passé par là ? Tout le monde devrait savoir cela, en particulier une avant-coureuse. Dépêchons-nous, apprenti. Ophélie n'aurait pas demandé mieux, mais des deux, c'était Elisabeth qui marchait le plus lentement. L'aspirante virtuose ralentissait sans cesse le pas pour sortir un calepin de sa redingote et y griffonnait des notes qu'elle finissait toujours par raturer en marmonnant entre ses dents. Cette jeune fille était décidément un drôle de spécimen. Ophélie ne tarda pas à constater qu'Élisabeth n'avait rien d'un cas isolé. Une cohorte de cyclopéens au crâne rasé faisait la course sur le plafond des galeries en récitant à tue-tête des formules de physique. Une jeune totémiste avançait droit devant elle, le nez dans un livre, enveloppée d'un essaim de moustiques qui lui bourdonnait autour sans jamais l'attaquer. Il y avait même un vieil homme qui produisait des arcs électriques entre ses doigts en ricanant d'un air un peu sénile. Chacune de ces personnes portait le même uniforme bleu nuit et argent. C'étaient donc tous des virtuoses en devenir? Élisabeth gravit une série d'escaliers qui menaient vers une résidence particulièrement imposante. Construite tout en verticalité, elle épousait le bord de l'arche et ses remparts, déployés comme des ailes de pierre, servaient de frontière entre la terre et le ciel. De gigantesques têtes sculptées d'éléphants, incorporées dans la façade de l'édifice, affichaient des airs sévères qui n'inspiraient pas du tout l'envie de sourire. « Voici le foyer, » commenta Élisabeth en griffonnant une nouvelle note dans son calepin. « C'est là que tu dormiras, que tu te laveras, que tu prendras tes repas et que tu feras tes corvées. Ne t'attends pas à trouver des automates pour nettoyer à ta place. Ils en ont une collection entière chez les fils de Pollux, mais Lady Hélène tient à ce qu'ici, nous fassions tout par nous-mêmes. » Ophélie leva la tête à en attraper un torticolis. Le foyer était conçu comme le mémorial, dans des proportions plus modestes. Il possédait un vaste atrium autour duquel les étages s'enroulaient comme des anneaux de planètes. Les sols, les murs et les plafonds étaient tous aménagés en salles. Les apprentis d'en haut débattaient la tête à l'envers autour d'une question de rhétorique. Ceux d'en bas réclamaient le silence pour se concentrer sur leurs devoirs. Certains poussaient des chariots de blanchisserie le long des couloirs verticaux, d'autres menaient d'incompréhensibles expériences dans des boxes réservées aux travaux pratiques. L'atmosphère entière bourdonnait comme une ruche résonnant d'accents des quatre coins du monde. La poitrine d'Ophélie se contracta. Même ici, même maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de chercher le plus grand et le moins bavard d'entre tous. Et si Thorne avait emprunté très exactement le même chemin que le sien, s'il s'était servi de la bonne famille pour infiltrer les coulisses du mémorial? « Le conservatoire compte beaucoup de virtuoses ? » demanda-t-elle à Élisabeth. Oui, plutôt. Il y a la compagnie des avant-coureurs, la compagnie des tabellions, la compagnie des scribes, la compagnie des gardiens et bien d'autres encore. Chaque compagnie est composée de deux divisions, les filleuls d'Hélène ici et les fils de Pollux à côté. » Élisabeth avait désigné pour souligner ce dernier mot un grand balcon qui permettait de deviner, à travers plusieurs épaisseurs de pluie, la falaise de l'arche voisine. « Pourquoi vivre séparés si nous suivons le même apprentissage ?»« Parce que c'est la tradition. » Ophélie se demanda si les élèves du conservatoire recevaient un bonus chaque fois qu'ils citaient cet adage. Élisabeth mâchonnait la gomme de son crayon d'un air rêveur, les yeux perdus dans les notes de son calepin, ses longs cheveux suivant les ondulations de sa démarche. Dans les boxes d'expérimentation d'un salon d'Anvers, il y eut une explosion de fumée et d'exclamations à laquelle elle ne prêta aucune attention. Elle ne semblait pas tellement encline à faire la conversation. Tel n'était pas le cas d'Ophélie. « C'est une affiche au mémorial qui m'a attirée ici. J'ai appris qu'ils recherchaient des avant-coureurs pour leur groupe de lecture. Je voudrais postuler. Je suis certaine que c'est dans mes cordes. » Élisabeth l'observa d'un air oblique. Elle avait cessé de marcher et de mordiller son crayon. De flou, son regard s'était fait perçant comme une flèche. « Abandonne toutes tes certitudes. » Même sa voix avait changé, soudain vibrante, profondément concernée. « Qui crois-tu être, toi qui parles de notre cause avec autant de légèreté ? Ton talent n'est qu'une barre tordue qu'il va falloir redresser. Les groupes de lecture de Sir Henry réclament un savoir-faire que tes mains ne possèdent pas encore, qu'elles ne posséderont sans doute jamais. » Ophélie serra les poings à en faire grincer ses gants. C'était la deuxième fois aujourd'hui qu'on rabattait son orgueil professionnel et elle n'en était décidément pas dépourvue. Élisabeth continuait de l'examiner sans hostilité ni amicalité par-dessus son calepin, au milieu du brouhaha universitaire, comme si elle attendait une réaction de révolte de sa part. La jeune animiste relâcha son souffle et desserra la pression de ses poings. Elle comprenait. Un bon citoyen, un virtuose à plus forte raison, ne se cramponnait pas à ce qui faisait de lui un individu. L'intérêt de la collectivité devait passer avant la fierté personnelle. Vous avez raison. Plus je découvre le monde autour de moi et plus je mesure à quel point je le connais mal. Les paupières mi-closes d'Élisabeth s'abaissèrent davantage et Ophélie crut deviner une lueur de satisfaction dans l'entrebâillement de Cécile. Confidence pour confidence, moi aussi j'ai de l'orgueil. J'aime la cité, j'aime le mémorial et j'aime la bonne famille. J'ai tendance à attendre des autres qu'ils fassent preuve de la même dévotion et qu'ils respectent mon travail. Vous travaillez pour les groupes de lecture. Élisabeth colla son calepin contre les lunettes d'Ophélie. Il était noirci de chiffres et de lettres, sans queue ni tête. Algorithme, fonction, structure itérative, structure conditionnelle, traduisit-elle. Ce sont les groupes de lecture qui travaillent pour moi. Je suis en charge du nouveau catalogue. Les lecteurs encodent la base de données que j'ai conçue à l'intention de Sir Henry. Les documents anciens du mémorial ne sont pour la plupart ni datés ni authentifiés. Il nous faut donc des expertises irréprochables. Je planche en ce moment sur un système de cartes perforées afin de permettre à Sir Henry de traiter efficacement ces milliers d'informations. Ophélie baissa les yeux malgré elle. Les leçons d'humilité prenaient soudain tout leur sens. Élisabeth n'était peut-être pas loin d'avoir son âge, mais elle avait une longueur d'avance qui n'était pas quantifiable en années. « Lady Septima a 3 semaines pour te préparer, » enchaîna Élisabeth. « Si tu fais exactement ce qu'elle te dit, que tu lui obéis au doigt et à l'œil, alors tu auras peut-être une chance de rejoindre nos rangs. »« Lady Septima ?» répéta Ophélie en essayant de mémoriser ce nom. Je croyais que c'était Sir Henry le responsable des groupes de lecture. La bouche d'Élisabeth se tordit soudain en un sourire qui eut du mal à trouver sa place sur sa figure inexpressive. Il en serait bien incapable. Sir Henry est un automate. Il ne quitte jamais le secrétarium. Ophélie allait devoir s'habituer à l'idée. Sur Babel, les automates étaient des membres de la société à part entière et certains d'entre eux pouvaient être appelés sœurs. Alors qu'elle s'apprêtait à poser des questions sur le secrétarium, sur le moyen d'y entrer, surtout, elle se ravisa. Montrer trop de curiosité finirait par lui attirer des soupçons et elle avait suffisamment manqué de subtilité pour aujourd'hui. « Merci, » dit-elle à la place. Élisabeth haussa les épaules puis se dirigea vers un tableau d'affichage dressé au milieu de l'atrium. Un bras mécanique était en train d'y tracer des mots à la craie. « L'apprenti Eulalie est attendu à l'amphithéâtre interfamilial. » Nous ne nous sommes pas assez dépêchés, constata Élisabeth. Tu devrais déjà être en uniforme. Vite, hâtons-nous, ajouta-t-elle sans se presser le moins du monde. Elle conduisit Ophélie au vestiaire du foyer pour trouver un uniforme à sa taille et déplia un paravent mécanique. La chemise, la redingote, le pantalon et les bottes comptaient un tel nombre d'attaches qu'Ophélie n'en voyait pas le bout. Elle eut la respiration coupée au moment de boutonner sa redingote. Voilà un habit qui ne laissait pas beaucoup de place aux rondeurs. Élisabeth lui montra l'ornement d'argent qu'elle portait sur sa manche bleu nuit. « Prête bien attention au galon. Un apprenti virtuose n'a qu'une seule bande à son uniforme. Un aspirant virtuose de premier degré comme moi a 2 bandes. Un aspirant virtuose de second degré a 3 bandes. Une bande pour chaque année au conservatoire. » Ophélie s'abstint de dire qu'elle n'avait pas l'intention de rester si longtemps. Dès qu'elle aurait accès au secrétarium du mémorial ou dès qu'elle aurait retrouvé la trace de Thorne, idéalement les deux, elle tirerait sa révérence. Elle s'attaqua aux interminables lacets de ses bottes. Celles d'Élisabeth étaient éperonnées de 2 petites ailes d'argent au niveau des chevilles. « C'est l'emblème des avant-coureurs. Tu auras tes ailes si tu termines tes 3 semaines de probation. » « Si, » releva Ophélie, en rangeant la montre de Thorne dans une poche de sa redingote. « Pas quand ?»« Cette évaluation que je dois passer, elle consiste en quoi ?»« Oh, on va te soumettre à toutes sortes de tests. C'est plutôt douloureux, beaucoup de candidats n'y résistent pas. Même si ça reste rare, certains en meurent. » Élisabeth eut un vague haussement de paupières en voyant les lunettes d'Ophélie jaunir sur son nez, et puis elle ajouta d'une voix plate « Je plaisante. » Il n'y a jamais eu ni mort ni blessé. Vois-le plutôt comme un jeu. » Ophélie n'en était pas très sûre jusqu'à présent, mais elle fut cette fois convaincue. Son rythme cardiaque n'appréciait pas du tout l'humour d'Élisabeth. Elle boucla le fermoir de sa ceinture enfin prête et sa gorge se noua. Tout au long de la journée, elle avait essayé de ne pas y penser, de rester concentrée sur toutes ces nouveautés qu'elle devait assimiler. À présent qu'elle sentait ce vêtement étranger sur elle, elle n'y parvenait plus. Elle prit une profonde inspiration, cherchant à ravaler l'émotion brutale qui lui remontait du fond du corps, mais elle ne pouvait s'empêcher de revoir la scène en boucle, le sac emporté par le tramway et l'écharpe avec lui. Pourquoi le sort lui avait-il permis de retrouver l'un et pas l'autre ? « Tu me suis, apprenti ?» appela Élisabeth, qui repliait le paravent mécanique. « Je te conduis à ton évaluation. »« J'arrive. » Ophélie toussa pour s'éclaircir la voix. Se laisser aller était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Il lui faudrait toute sa concentration pour réussir ses épreuves. Élisabeth déposa Ophélie devant la porte de l'amphithéâtre interfamilial. C'était un hémicycle dont les gradins pouvaient facilement accueillir une centaine de personnes. Cela faisait beaucoup de place pour une seule apprentie. Un homme en toge la guida jusqu'au premier rang où l'attendait déjà un nécessaire à écrire. « C'est la tradition, » dit-il pour seule indication. Ophélie sécha dès le premier énoncé. « Répertoriez les méthodes de datation relative et absolue de votre connaissance. » Toutes les autres questions étaient à l'avenant sur des notions et des méthodologies historiques de plus en plus pointues, et il y en avait des pages entières. Vois-le plutôt comme un jeu. Assurément, ça n'avait rien d'une partie de cartes. Elle commençait à ressentir les effets de sa précédente insomnie, et son estomac vide emplit bientôt l'amphithéâtre de borborygmes très embarrassants. Quand enfin elle remit son devoir, engloutie par les abysses de sa propre ignorance, l'homme en toge lui demanda de le suivre. Ophélie fut introduite dans un élégant laboratoire où une vieille dame lui demanda de retirer son uniforme, alors qu'elle avait eu tant de difficultés à l'enfiler, et l'examina sévèrement de la tête aux pieds, langue incluse. Elle lui fit faire toute une série de mouvements, tantôt de la main droite, tantôt de la main gauche, auxquels Ophélie ne comprit rien. « C'est la tradition, » dit la vieillarde. Elle lui remit alors une nouvelle tenue, plus sobre et plus ample que son uniforme, puis l'invita à se rendre au stadium, à l'extérieur, dès qu'elle serait prête. Le soir était tombé, il commençait à faire très sombre et très humide quand Ophélie arriva sur place. Elle n'en crut pas ses oreilles quand un instructeur lui ordonna de courir 15 tours de piste. C'est la tradition. Sur Anima, les seules disciplines sportives se résumaient à la baignade, la danse et l'alpinisme. Et Ophélie n'en avait jamais pratiqué aucune. Au bout d'un seul tour, il lui sembla que ses poumons allaient éclater. Sa tunique et ses cheveux se collaient à elle comme si elle avait plongé tout habillée dans une baignoire. La pluie avait cessé, le stadium était devenu un gigantesque marais peuplé de grenouilles. Elle dut terminer sa course en boitillant, transpercée par un point de côté sous le regard réprobateur de l'instructeur. Il ne fit toutefois aucun commentaire, lui rendit son uniforme et déclara simplement que l'évaluation était terminée. Ophélie suivit le chemin des lampions suspendus aux arcades des promenoirs, sans prêter attention aux papillons de nuit qui se cognaient à ses lunettes. Elle aurait eu grand besoin d'un bain et d'un repas, mais quand elle regagna le foyer, un calme assourdissant régnait dans le vaste atrium. Tout le monde était couché depuis longtemps. En empruntant un transcendium, elle bascula de la station verticale à la station horizontale. La fatigue lui donna réellement l'impression de lutter contre les forces de l'attraction terrestre, comme si elle risquait à tout instant de se décrocher du mur pour s'écraser sur le sol. Après avoir erré dans les salons d'envers, se demandant où elle était censée aller, elle se rendit au dernier étage, juste sous les étoiles de la coupole, où un unique couloir circulaire desservait plusieurs portes. Chacune était surplombée d'une enseigne en fer forgé qui portait le nom d'une compagnie. Ophélie entra chez les avant-coureurs. Il y régnait une obscurité si dense qu'elle se cogna à plusieurs lits, provoquant une réaction en chaîne de grognements ensommeillés avant d'en trouver un vacant. Elle posa son uniforme sur ce qu'elle supposa être une chaise, puis délassa ses bottes dans le noir. Restait à espérer que les jérémiades de son estomac ne réveilleraient pas tout le foyer. À peine Ophélie s'allongea-t-elle qu'elle surprit des rires étouffés dans l'obscurité. Il n'y avait pas de matelas sur son lit. Évidemment, pensa-t-elle en serrant la montre de Thorne contre elle. La tradition.